globe avec ta billetico. Je goûte à ses lèvres, elles ont le goût du Chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Oh, j'ai que t'as le feu, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billetico. Je goûte à ses lèvres, elles ont le goût du Chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Oh, j'suis avec mes robes, t'as assah, on fait de la monnaie. On vient de loin, remontada, t'as les Barcelone. Déterminé depuis Mino, y'a pas de trait chez nous. Marche arrière, m'cossera, même sur terrain miné. Tu l'offres que pour baba, maman, elle est mieux aussi. Bitch, lève ton boule, tu vas michetonner, personne ici. J'fais bouger mes négas dans le club sur une vibe, right. J'reprends le flow, t'as rimka pour big up le blood, right. Chic, t'as le seum, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billet, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du Chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Chic, t'as le seum, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billet, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du Chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Pour le khalis, mon flow fait bouger les jeans, appelle-moi le radar de Paris. Mes acolytes, souvent sous beu ou sous collal. Tard la night, ça barotte, hopé pour faire la maille, yeah. Elle a repéré ton portefeuille, t'es son nouveau bébé. Cette salope te fait les yeux doux parce qu'elle vit sa CB. Paris, soirée, luxe, cabaret. Billard, tu fais ta l'aile, t'as sucé tous les tataris. Chic, t'as le seum, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billard, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du Chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Chic, t'as le seum, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billard, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du Chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye